salut Jean-Pierre. Oh, yeah. Thank you. Thank you. C'est quoi cette basse? C'est toi qui l'as joué? Yeah. We'll be right back.